le départ fut fixé au surlendemain 22 décembre. Nul ne se flattait de trouver le capitaine précisément sur cette ligne du 37e parallèle qu'elle était rigoureusement suivie. Mais peut-être coupait-elle ses traces, et en tout cas, elle menait droit à Twofold Bay, au théâtre de son naufrage. Là était le principal point. De plus, si Ayrton consentait à se joindre aux voyageurs, il y avait là une nouvelle chance de succès. Ayrton parut hésiter pendant quelques instants. Puis, toute réflexion faite, il dit « Oui, Milord, je vous suivrai. Et si je ne vous mène pas sur les traces du capitaine Grant, au moins vous conduirai-je à l'endroit même où s'est brisé son navire. » « Merci, Ayrton, » répondit Glenarvan. Les enfants du capitaine lui prodiguèrent leurs meilleures caresses. Paddy comprit l'importance que Glenarvan devait attacher à la présence du quartier maître, et il se résigna. Glenarvan le chargea de lui fournir des moyens de transport pour ce voyage à travers l'Australie. Et, cette affaire conclue, les passagers revinrent à bord après avoir pris rendez-vous avec Ayrton. Dans 2 mois, si les circonstances le favorisaient, le Duncan débarquerait Harry Grant sur les rivages de l'Écosse. John Mangles désirait de faire partie de l'expédition terrestre, confie au second, Tom Austin, le soin de faire réparer à Melbourne le Duncan et de le ramener aujourd'hui. « C'est entendu, John, » dit Glenarvan, « car il sera bon, » ajouta-t-il en souriant, « que vous soyez là quand nous retrouverons le père de Mary Grant. » Le lendemain, John Mangles, accompagné du charpentier de matelots chargé de vivres, retourna à l'établissement de Paddy Humor. Il devait organiser les moyens de transport, de concert avec l'Irlandais. Les voyageuses devaient faire la route en charrette à bœufs et les voyageurs à cheval. À Ayrton fut dévolu le rôle de conducteur de cette charrette. Le véhicule dépourvu de ressort n'offrait aucun confort, mais tel il était, tel il fallait le prendre. On le divisa en 2 compartiments au moyen d'une cloison en planche. L'arrière fut destiné à recevoir les vivres, les bagages et la cuisine portative de M. Olbinett. L'avant dut appartenir intérieurement aux voyageuses. Des pieds rideaux de cuir fermaient au besoin ce premier compartiment et le défendaient contre la fraîcheur des nuits. 7 chevaux vigoureux étaient destinés à Lord Glenarvan, Paganel, Robert Grant, McNabbs, John Mangles et les 2 marins, Wilson et Mulready, qui accompagnaient leur maître dans cette nouvelle expédition. M. Olbinett, que l'équitation ne tentait guère, s'arrangerait très bien de voyager dans le compartiment aux bagages. On donna le signal du départ. Un « Dieu vous assiste » fut lancé par Paddy Moore et repris en cœur par sa famille. Le chariot s'ébranla et bientôt disparut, au tournant de la route, la ferme hospitalière de l'honnête Irlandais.